L'âme du décédé se mit à trembler comme un cœur palpitant, quand le démon, qui le retenait, se présenta au jugement divin. Il dit au juge : Quant à la proie, l'accusé, ton ange et moi avons suivi cette âme, depuis sa naissance jusqu'à la fin de ses jours. Lui pour la conserver, moi pour la ruiner. Tous deux nous la guettions comme des chasseurs. Néanmoins, à la fin, elle est tombée dans mes mains. Pour la gagner à moi, je me suis comporté par toutes sortes d'agitations, comme un torrent quand la brèche est faite, à qui rien ne résiste sinon quelques digues, c'est-à-dire votre justice, laquelle n'est pas encore prouvée contre cette âme. C'est pourquoi je ne la possède pas encore certainement. Aussi je la désire avec autant d'ardeur qu'un animal affamé, si enragé de faim qu'il mange ses membres. Donc d'autant que vous êtes juste juge, pourquoi est-elle tombée en mes mains quand celle de son ange? En notant que ses péchés sont en plus grand nombre que ses bonnes œuvres, dit le juge. Montrez-les. J'ai un livre rempli de tous ses péchés, dit le démon. Quel est le nom de ce livre? Dit le juge. Son nom est Désobéissance. En ce livre sont 7 livres, chacun a 3 colonnes. Chaque colonne a plus de 1000 mots, mais non moins de 1000, quelques-uns en ont plus. Dites les noms de ces livres, dit le juge. Car bien que je sache toutes choses, dites-les néanmoins, afin que votre volonté et ma bonté soient connues. Le nom du premier livre est la Superbe. On y celui sans 3 colonnes. La première est la pensée de Superbe en sa science. Autant qu'il s'enorgueillissait de la bonne vie qu'il croyait avoir meilleure que les autres, il s'enorgueillissait encore de sa pensée et de sa science, qu'il estimait plus sage que les autres. La deuxième colonne est d'autant qu'il s'enorgueillissait des biens qui lui avaient été donnés, des vêtements et des autres choses. La troisième était d'autant qu'il s'enorgueillissait de la beauté des membres de sa noble race, et de ses œuvres. En ces 3 colonnes, il y avait des paroles infinies, comme vous connaissez mieux. Le deuxième livre est la Cupidité. Ce livre avait 3 colonnes. La première était en pensée, autant qu'il a cru que ses péchés n'étaient pas si grands qu'on le disait. Indignement a-t-il désiré le royaume céleste, qui ne se donne qu'aux purs. La deuxième, autant qu'il a plus désiré d'être au monde qu'il n'était nécessaire, et que sa volonté ne tendait qu'à rendre recommandable son nom et sa race, afin de nourrir ses héritiers à l'honneur du monde, non à l'honneur de Dieu. La troisième fut qu'il désirait l'honneur du monde, en excellant au-dessus des autres. En ces choses, comme vous connaissez, il y a des paroles innombrables, par lesquelles il recherchait de bienveillantes faveurs, par lesquelles acquérir des biens temporels. Le troisième livre est l'envie. Celui-ci a 3 colonnes. La première fut en sa pensée, car il enviait ceux qui excellaient sur lui, et qui avaient plus que lui. La deuxième, autant qu'il a reçu par envie les biens de ceux qui en avaient plus besoin que lui. La troisième, que par envie, il a nui secrètement au prochain par ses conseils, et aussi publiquement, tant par lui que par les siens, tant par parole que par les faits, tant par soi que par les siens, et a aussi incité les autres à des choses semblables. Le quatrième livre est l'avarice, dans lequel il y a 3 colonnes. La première était l'avarice en sa pensée, car il ne voulut jamais enseigner ce qu'il savait, ce dont les autres eussent pu prendre quelque consolation ou profit, pensant comme ce qui suit. Quel profit m'en reviendra-t-il si je donne tel ou tel conseil? Quelle récompense en aurai-je si je lui profite en lui donnant conseil? Et ainsi, celui qui lui demandait conseil s'en retournait grandement affligé, pouvant être alors instruit de lui, et ne l'étant pas, le pouvant édifier et ne le faisant pas. La deuxième colonne est que pouvant purifier ceux qui étaient en discorde, il ne le voulut pas le faire, et pouvant consoler ceux qui étaient en trouble, il n'en voulut rien faire. La troisième colonne était l'avarice en ses biens, autant que s'il lui fallait donner un denier pour Dieu, il s'en affligeait grandement. Mais il en eût donné 100 pour l'honneur du monde. En ces colonnes sont des paroles infinies, comme vous le savez très bien. Vous savez toutes choses, et rien ne peut vous être caché. Mais vous me contraignez de parler par votre pouvoir afin que les autres en profitent. Le cinquième livre est la paresse. Il a aussi 3 colonnes. À la première, il était fainéant aux bonnes œuvres, pour accomplir vos préceptes, et pour votre honneur. Car pour avoir repos en son corps, il a perdu son temps. L'utilité et la volupté de son corps lui étaient très chères. À la deuxième colonne, il était oisif en ses pensées, car quand vous lui inspiriez quelques pensées de repentance, ou quelques connaissances d'esprit, elles lui semblaient trop longues. Il retirait sa pensée, et la portait aux joies du monde, qui lui plaisait beaucoup. À la troisième, il était lâche à parler, à prier pour son utilité et celle d'autrui, et surtout pour votre honneur. Mais fervent à dire des paroles de moquerie, et de cajolerie. Or combien grand en est le nombre et la quantité, vous seul le connaissez. Le sixième livre était la colère. Il avait 3 colonnes. À la première, autant il se colérait contre son prochain des choses qui lui étaient inutiles. À la deuxième, autant il a laissé le prochain par sa colère en ses œuvres, d'autres fois en aliénant la sienne. À la troisième, autant par sa colère il troublait son prochain. Le septième livre était la volupté. Il avait aussi 3 colonnes. À la première, autant il était impudique dans ses paroles et dans ses actes. À la deuxième, il était trop exubérant en ses paroles impures. La troisième était qu'il nourrissait trop délicatement son corps, se préparant des mets délicats superflus pour contenter sa sensualité et pour être estimé grand. En cette colonne, il y a plus de 1000 paroles. Il demeurait à table plus longtemps qu'il devait, ne considérant pas le temps qu'il y restait pour cajoler et pour recevoir plus que la nature ne requérait, plutôt que pour prier ou bien travailler. Voici, juge, mon livre est plein. Adjugez-moi donc cette âme. Le juge ne disait mot. La mère en miséricorde, qui semblait fort loin, s'approcha et dit : Mon fils, je veux disputer la justice contre ce diable. Ma chère mère, si la justice n'est pas déniée au diable, pourquoi vous serait-elle déniée, à vous qui êtes ma mère ? Vous pouvez aussi parler, sachant toute chose en moi, mais vous parlerez afin que les autres connaissent combien je vous aime. La mère s'adressa au diable et dit : Je te commande de répondre à 3 choses que je te demande. Tu y es obligé par la justice, bien que tu le fasses à regret parce que je suis ta maîtresse. Dis-moi si tu sais toutes les pensées des hommes ? Non, dit le diable. Seulement celle-là qui se manifeste par l'œuvre extérieure, et ce que je peux supposer dans le cœur. Car bien que j'ai perdu ma dignité, néanmoins, par ma nature subtile, il m'est demeuré tant de sagesse que j'entre, par disposition de l'homme, dans l'état de la pensée. Mais je ne peux pas connaître les bonnes pensées des hommes. Dis-le-moi, diable, bien que contraint. Qu'est-ce qui peut effacer les écrits de ton livre ? Une seule chose. C'est la charité. Quiconque l'obtient dans son cœur, l'écriture s'efface soudain de mon livre. Dis-moi, diable. Quelqu'un peut-il être si méchant, et si corrompu, qu'il ne puisse venir à se repentir pendant qu'il vit ? Il n'y en a pas un qui ne le puisse pas, s'il le veut, avec la grâce. Car quand, quelque pécheur que ce soit, change sa mauvaise volonté en une bonne, et veut demeurer ferme en Israël, il atteint les feux de la charité divine. Tous les démons ne peuvent pas alors le retenir. Ces choses étant entendues, la mère en miséricorde dit à ceux qui étaient alentour d'elle : À la fin de sa vie, cette âme s'est convertie à moi et m'a dit : Vous êtes mère en miséricorde, car vous faites miséricorde aux misérables. Je suis indigne de prier votre fils, d'autant que mes péchés sont trop grands, et en trop grande quantité. J'ai trop provoqué sa colère, en n'aimant plus le monde, et mes voluptés, que mon Créateur Dieu. Partant, je vous supplie d'avoir miséricorde de moi, car vous ne la refusez pas à un qui vous la demande. Et partant, je me convertis à vous et vous promets que si je vis, je veux m'amender, convertir ma volonté à votre fils, et n'aimer d'autre que lui. Mais je suis navré de n'avoir rien fait pour l'amour de votre fils, mon formateur. Partant, je vous prie, ô très clémente dame, d'avoir compassion de moi, car je n'ai de refuge qu'en vous. Cette âme vint à moi à la fin de ses jours, par telle pensée et parole. Ne devais-je pas l'exaucer? Car qui est celui-là qui, priant un autre de tout son cœur, avec résolution de s'amender, ne mérite d'être exaucé? Combien plus dois-je entendre ceux qui crient à moi, qui suis mère en miséricorde? Je n'ai rien su d'une telle volonté, mais si cela est comme vous dites, prouvez-le par des raisons évidentes. Dit le diable. Tu es indigne que je te parle. Néanmoins je te répondrai parce que cela peut servir au prochain. Tu as d'ici dessus, quand on livre, rien ne peut être effacé, que par la divine charité. La Sainte Vierge dit en se tournant vers le juge. Ô mon fils, que le diable ouvre maintenant son livre, qu'il le lise, et voici toutes choses sont là, entièrement écrites, ou s'il y a quelque chose d'effacé. Où est ton livre? Dit le juge. En mon ventre, répondit le diable. Quel est ton ventre? Dit le juge. Ma mémoire, dit le diable. Car comme dans le ventre sont toute immondice et toute puanteur, de même en ma mémoire sont toute malice et toute méchanceté, puant devant moi comme une corruption. Car quand je me suis retiré de vous et de votre lumière, par la superbe, dès lors j'ai trouvé en moi toutes sortes de malices, et ma mémoire a obscurci les biens divins. En cette mienne mémoire est écrite toute l'iniquité des pécheurs. Je te commande de voir diligemment ce qui est écrit dans ton livre, et dire publiquement ce qui est effacé des péchés de cette âme. Dit le juge. Je vois dans mon livre, des choses écrites que je n'ai jamais pensées. Car je vois que ces sept choses sont effacées, et il ne demeure rien de plus en mon livre, que moquerie. Dit le diable. Le juge dit au bon ange, qui était là présent. Où sont les bonnes œuvres de cette âme? Elles sont en votre présence même. Tout vous est connu. Dit le bon ange. Nous voyons toutes choses en vous, de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour nous d'en parler, mais en autant que vous voulez montrer votre charité. C'est pourquoi, vous annoncez votre volonté à ceux qu'il vous plaît. C'est pourquoi, depuis que cette âme fut jointe à son corps, j'ai toujours été avec elle, j'ai aussi écrit un livre de ses biens. Il est en votre pouvoir d'entendre ce livre si vous voulez. Je ne peux juger sans les avoir entendus d'avance, et connu les biens et les mals, lesquels étant bien considérés, la justice demande qu'il soit jugé ou à la mort ou à la vie. Dit le juge. Mon livre est obéissance, par laquelle il vous a obéi, et en Israël, il y a sept colonnes. La première est le baptême. La deuxième est l'abstinence et jeûne des actes illicites, des péchés, des voluptés, et tentations de chair. La troisième est l'oraison et le bon propos qu'il a eu. La quatrième est les bonnes œuvres, les aumônes et autres œuvres de miséricorde. La cinquième est l'espérance qu'il a en vous. La sixième est la foi qu'il a eue comme chrétien. La septième est la charité divine. Ces choses étant dites, le juge lui dit encore. Où est votre livre? En votre vision et amour, mon Seigneur. Dit l'ange. Alors la Sainte Vierge dit au diable. Comment avez-vous gardé votre livre? Comment s'est effacé ce qui y était écrit? Malheur, malheur, vous m'avez déçu. Dit le diable. Ensuite le juge dit à sa très bénie mère. Vous avez avec raison, obtenu absolution en ce fait. Et avez avec justice gagné cette âme. J'ai perdu, je suis vaincu. Cria le diable. Mais dites-moi juge, combien de temps tiendrai-je cette âme au purgatoire pour les moqueries et cajoleries qu'elle a faites? Je te le montrerai, dit le juge. Les livres sont ouverts et lus. Et bien que je sache toute chose, dis-moi diable si cette âme doit entrer au ciel ou non, selon ta justice. Je te permets de voir et savoir maintenant la vérité de la justice. La justice en toi dit que si quelqu'un décède sans péché mortel, il n'entre pas en enfer. Et quiconque a la charité divine de la justice, doit avoir le ciel. L'âme donc, n'étant pas morte en péché mortel, et ayant eu la charité divine, est prête à entrer dans le ciel, après qu'elle aura été purifiée. Puisque donc, je te permets de lire la vérité de ma justice, répond le juge, ceci l'écoutant. Dis, qu'est-ce qui me plaît, et quelle doit être la justice de cette âme? Qu'elle soit purifiée, de telle sorte qu'il ne reste aucune tâche, répond le diable. Car bien qu'elle soit à vous, elle ne peut pourtant pas arriver à vous, avant qu'elle ne soit purifiée. Juge, autant que vous m'avez demandé, je vous demande maintenant, comment elle doit être purifiée, et combien de temps elle sera entre mes mains? Je te demande que tu n'entres pas en elle, que tu ne l'absorbes pas en toi, répondit le juge. Mais tu dois la purifier jusqu'à ce qu'elle soit pure, et qu'elle ait enduré la peine d'après la grandeur de la faute. Car elle a péché en trois manières. Trois en la vue, trois en l'oreille, trois en l'attouchement. En partant, elle doit être punie triplement en la vue. 1. Elle doit voir ses péchés et abominations. 2. Elle doit te voir en ta malice. 3. Elle doit voir les peines terribles des autres âmes. Qu'elle soit aussi affligée en l'oreille, en trois manières. 1. Elle doit entendre les malheurs horribles, autant qu'elle a voulu entendre les louanges délectables du monde. 2. Elle doit entendre les épouvantables moqueries et cris des démons, d'autant qu'elle a écouté avec plus de plaisir les amours en faveur du monde que celles de Dieu. 3. Ainsi que leurs effroyables déshonneurs et misères, d'autant qu'elle a servi le monde avec plus de ferveur que Dieu. Qu'elle soit aussi affligée en l'attouchement, en trois manières. 1. Elle sera brûlée d'un feu très ardent, tant dedans que dehors, de sorte qu'il n'y aura pas la moindre tache qui ne soit purifiée dans le feu. 2. Elle pâtira une grande rigueur de froid, d'autant qu'elle s'enflammait en ses désirs immodérés, et se glaçait en ma charité. 3. Elle sera aux mains du diable, afin qu'il n'y ait pas la moindre pensée qui ne soit pas purifiée, jusqu'à ce qu'elle soit passée par la coupelle, comme l'or à la volonté du possesseur. De rechef, le diable demande combien de temps cette âme serait en cette peine. Le juge répondit, tout autant de temps que sa volonté était de vivre du monde. Et autant qu'elle aurait voulu vivre en son corps jusqu'à la fin du monde. Elle est obligée d'endurer cette peine jusqu'à la fin du monde. Car telle est ma justice. Quiconque a ma charité, et me désire ardemment, souhaitant être avec moi, étant séparé du monde. Celui-là mérite d'avoir le ciel, sans peine, en autant que l'exercice de cette vie présente est sa purification. Celui qui craint la mort à cause de la peine de la mort, et de la peine qui suit la mort, et voudrait vivre plus longtemps afin de s'amender en raison de cela. Celui-là aurait une peine plus légère dans le purgatoire. Celui qui a volonté de vivre jusqu'au jour du jugement, bien qu'il n'ait pas péché mortellement, mais seulement pour l'amour qu'il a de cette vie, celui-là doit souffrir les peines du purgatoire jusqu'au jour du jugement. La Sainte Vierge Marie dit, pleine de compassion, « Vous êtes bénie de Dieu mon Fils pour votre justice qui est toute miséricorde, car bien que nous voyons et sachions toutes choses en vous, Néanmoins, pour l'instruction des autres, dites-nous quel remède appliquer pour diminuer ainsi longtemps de peine, et lequel pour éteindre un feu si ardent? Comment aussi, cette âme peut être affranchie des mains des diables? Rien ne peut vous être refusé, car vous êtes la mère en miséricorde. Vous cherchez et procurez consolation à tous. Il y a trois choses qui diminuent ainsi longtemps de peine, qui éteignent ce feu et délivrent des mains des démons. La première, si on rend, par quelque peine, ce qu'il a pris injustement, soit ce qu'il devait rendre justement aux autres. La deuxième, si on rend par des aumônes très grandes. Que le péché s'éteigne, comme le feu par l'eau. La troisième, si on rend par les sacrifices des messes et par les prières de mes amis. Ma justice veut que cette âme soit purifiée par les prières des saints, ou par des aumônes, et bonnes œuvres des amis, ou par quelque purification digne de cela. Ce sont ces trois choses qui délivreront l'âme de ces trois peines. En quoi lui profitent les bonnes œuvres qu'il a faites pour vous? Répondit de rechef la mère en miséricorde. Vous ne le demandez pas parce que vous l'ignorez, puisque vous savez toutes choses et les voyez en moi. Mais vous le demandez afin que mon amour soit manifesté aux autres. Assurément, il n'y aura pas la moindre parole, ni la moindre pensée pour mon honneur qui n'ait sa récompense. Car toute chose qu'il a faite, en sa souffrance devant moi, pour l'amour de Dieu, lui servent de soulagement maintenant, et les rigueurs du feu sont moindres qu'elles ne seraient. Après cela, la Sainte Vierge dit à son fils. Pourquoi est-ce que cette âme reste immobile, sans bouger contre ses ennemis, bien qu'elle soit vivante? Le prophète Ésaïe a écrit de moi, que je fus muet comme un agneau devant le tondeur. Véritablement, je garde silence devant mes ennemis, dit le juge. Comme cette âme se soucia peu de ma mort, ma justice veut qu'elle soit maintenant comme un enfant qui ne sait pas crier contre ses ennemis. Vous êtes béni de Dieu, ô mon fils, qui ne faites rien sans justice. Vous avez déjà dit que vos amis pouvaient secourir cette âme, et vous savez que cette âme m'a servi en trois manières. 1. Par l'abstinence, en jeûnant l'éveil de mes fêtes, le faisant pour mon nom. 2. Elle disait mes heures de prière. 3. Elle chantait mon honneur par sa propre bouche. Ô mon fils, puisque vous exaucez ceux qui vous prient sur la terre, daignez aussi exaucer ma prière. Plus quelqu'un est ami de quelque seigneur, plus ses prières sont exaucées, et le plus tôt. D'autant que vous m'êtes très cher. Demandez ce que vous voudrez et il vous sera donné. Cette âme souffre trois sortes de peines, en la vue, trois en l'oreille, trois en l'attouchement. Je vous supplie donc, mon cher fils. 1. De vouloir lui diminuer une peine de la vue. À savoir qu'elle ne voit pas les horribles diables, mais qu'elle souffre des deux autres peines, puisque votre justice l'exige, et contre laquelle je ne puis aller selon la justice de votre miséricorde. 2. Je vous supplie de lui diminuer une des peines de l'oreille, à savoir qu'elle n'entende pas la honte et la confusion. 3. Je vous supplie de lui diminuer une des peines de l'attouchement, à savoir qu'elle ne ressente pas autant le froid si rigide qu'elle mérite de ressentir parce qu'elle était froide dans votre charité. Soyez bénie, ma mère très chère. Rien ne peut vous être refusé. Que votre volonté soit faite. On vit soudain un des saints avec une grande milice qui dirent : Louange à vous, Seigneur, Dieu créateur et juge de tous. Vous êtes béni de Dieu, mon fils très cher, pour l'amour et la miséricorde que vous portez aux âmes. Cette âme dévote m'a servi en sa vie, elle a jeûné pour mon honneur, m'a loué, ainsi que tous les amis qui vous entourent. Parlant de leur part et de la mienne, je vous en supplie, Seigneur, faites-lui miséricorde par amour pour nos prières. Donnez-lui repos en une des peines, à savoir que les démons n'aient pas puissance d'obscurcir sa conscience. Car leur malice obscurcit tellement son âme, que s'ils n'en sont pas empêchés, elle n'attendra pas la fin de sa misère, ni l'acquisition de la gloire, si vous ne jetez pas les yeux de votre grâce sur elle. Et cela lui serait le plus grand supplice des supplices. En considération de nos prières, Seigneur plein de miséricorde, donnez-lui la grâce de savoir avec certitude que sa peine finira, et qu'elle possédera un jour la gloire éternelle. Ma justice veut que les démons obscurcissent son âme autant que lorsqu'elle vivait, car elle retirait l'esprit de la contemplation divine de ses pensées, et les tournait aux choses corporelles, sans se soucier d'être sans connaissance, et d'agir contre moi. Mais en autant que vous, mes amis, avez entendu et reçu mes paroles, et mes inspirations, et les avez accomplies en vos travaux, il n'est pas raisonnable que je refuse, ni rejette vos demandes, mais je ferai ce que vous demanderez. Alors tous les saints répondirent : Louange à Dieu qui est béni en votre justice. Vous jugez justement et ne laissez rien d'impuni. Puis l'ange gardien dit au juge : J'ai accompagné cette âme dès que l'âme fut unie à ce corps, et la suivait. Elle faisait quelquefois ma volonté, comme votre providence charitable l'ordonnait. Parlant maintenant, je vous en prie, mon Seigneur, ayez miséricorde d'elle. Nous voulons délibérer à ce sujet. Dit notre Seigneur. Et la vision disparut.